Huitième lettre. Réflexion. Souvenir de la Ligue. Les Sylvanectes et les Francs. La Ligue. J'ai vu, en me promenant sur une affiche bleue, une représentation de Charles VII annoncée par Beauvalet et Mademoiselle Rimblot. Le spectacle était bien choisi. Dans ce pays-ci, on aime le souvenir des princes du Moyen-Âge et de la Renaissance, qui ont créé les cathédrales merveilleuses que nous y voyons, et de magnifiques châteaux, moins épargnés cependant par le temps et les guerres civiles. C'est qu'il y a eu ici des luttes graves à l'époque de la Ligue, un vieux noyau de protestants qu'on ne pouvait dissoudre, et plus tard un autre noyau de catholiques non moins fervents, pour repousser le parpaillot dit Henri IV. L'animation allait jusqu'à l'extrême, comme dans toutes les grandes luttes politiques. Dans ces contrées qui faisaient partie des anciens apanages de Marguerite de Valois et des Médicis, qui y avaient fait du bien, on avait contracté une haine constitutionnelle contre la race qui les avait remplacés. Que de fois j'ai entendu ma grand-mère, parlant d'après ce qui lui avait été transmis, me dire de l'épouse de Henri II, « Cette grande madame Catherine de Médicis, à qui on a tué ses pauvres enfants ?» Cependant, des mœurs se sont conservées dans cette province à part, qui indique et caractérise les vieilles luttes du passé. La fête principale, dans certaines localités, est la Saint-Barthélemy. C'est pour ce jour que sont fondés surtout de grands prix pour le tir de l'arc. L'arc, aujourd'hui, est une arme assez légère. Eh bien, elle symbolisait, rappelle, d'abord l'époque où ces rudes tribus des Sylvanectes formaient une branche redoutable des races celtiques. Les pierres druidiques d'Hermenonville, les haches de pierre et les tombeaux, où les squelettes ont toujours le visage tourné vers l'Orient, ne témoignent pas moins des origines du peuple qui habite ces régions entrecoupées de forêts et couvertes de marécages, devenus des lacs aujourd'hui. Le Valois et l'ancien petit pays nommé la France semblent établir par leur division l'existence de races bien distinctes. La France, division spéciale de l'île de France, a dit-on été peuplée par les Francs primitifs, venus de Germanie, dont ce fut, comme disent les chroniques, le premier arrêt. Il est reconnu aujourd'hui que les Francs n'ont nullement subjugué la Gaule, et n'ont pu que se trouver mêlés aux luttes de certaines provinces entre elles. Les Romains les avaient fait venir pour peupler certains points, et surtout pour défricher les grandes forêts ou assainir les pays de marécage. Telles étaient alors les contrées situées au nord de Paris. Issus généralement de la race caucasienne, ces hommes vivaient sur un pied d'égalité, d'après les mœurs patriarcales. Plus tard, on créa des fiefs, quand il fallut défendre le pays contre les invasions du Nord. Toutefois, les cultivateurs conservaient libres les terres qui leur avaient été concédées, et qu'on appelait « terres de francs à leux ». La lutte de deux races différentes est évidente, surtout dans les guerres de la Ligue. On peut penser que les descendants des Gallo-Romains favorisaient le Béarnais, tandis que l'autre race, plus indépendante de sa nature, se tournait vers Mayenne, d'Épernon, le cardinal de Lorraine et les Parisiens. On retrouve encore dans certains coins, surtout à Montépilois, des amas de cadavres, résultat des massacres ou des combats de cette époque, dont le principal fut la bataille de Senlis. Et même ce grand comte Langueval de Bucquoy, qui a fait les guerres de Bohême, aurait-il gagné l'illustration qui causa bien des peines à son descendant, l'abbé de Bucquoy, s'il n'eût, à la tête des ligueurs, protégé longtemps Soissons, Arras et Calais contre les armées de Henri IV. Repoussé jusque dans la Frise, après avoir tenu 3 ans dans les pays de Flandre, il obtint cependant un traité d'armistice de 10 ans, en faveur de ses provinces, que Louis XIV dévasta plus tard. Étonnez-vous maintenant des persécutions qu'eut à subir l'abbé de Bucquoy, sous le ministère de Pontchartrain. Quant à Angélique de Longueval, c'est l'opposition même en côte hardie. Cependant, elle aime son père, et ne l'avait abandonné qu'à regret. Mais du moment qu'elle avait choisi l'homme qui semblait lui convenir, comme la fille du duc Louis, choisissant Lautrec pour cavalier, elle n'a pas reculé devant la fuite et le malheur. Et même, ayant aidé à soustraire l'argenterie de son père, elle s'écriait « Ce que c'est de l'amour !» Les gens du Moyen-Âge croyaient au charme. Il semble qu'un charme l'ait en effet attaché à ce fils de charcutier, qui était beau s'il faut l'en croire, mais qui ne semble pas l'avoir rendue très heureuse. Cependant, en constatant quelques malheureuses dispositions de celui qu'elle ne nomme jamais, elle n'en dit pas de mal un instant. Elle se borne à constater les faits, et l'aime toujours, en épouse platonicienne, et soumise à son sort par le raisonnement. Les discours du lieutenant-colonel, qui voulait éloigner la Corbinière de Venise, avait donné dans la vue de ce dernier. Il vend tout à coup son enseigne pour se rendre à Innsbruck et chercher fortune en laissant sa femme à Venise. « Voilà donc, dit Angélique, l'enseigne vendue à cet homme, qui m'aimait, content le lieutenant-colonel, en croyant que je ne m'en pouvais plus dédire. » Mais l'amour, qui est la reine de toutes les passions, se moqua bien de la charge, car lorsque je vis que mon mari faisait son préparatif pour s'en aller, il me fut impossible de penser seulement de vivre sans lui. Au dernier moment, pendant que le lieutenant-colonel se réjouissait déjà du succès de cette ruse, qui lui livrait une femme isolée de son mari, Angélique se décida à suivre la Corbinière à Innsbruck. Ainsi, dit-elle, l'amour nous ruina en Italie aussi bien qu'en France, quoiqu'en celle d'Italie je n'y avais point de culpe, faute. Les voilà partis de Vérone avec un nommé Boyer, auquel la Corbinière avait promis de faire sa dépense jusqu'en Allemagne, parce qu'il n'avait point d'argent. Ici, la Corbinière se relève un peu. À 25 000 de Vérone, à un lieu où par le lac on va à la rive de Trente, Angélique faiblit un instant et pria son mari de revenir faire quelques villes du bon pays vénitien, comme Brescia. Cette admiratrice de Pétrarque quittait avec peine ce doux pays d'Italie, pour les montagnes brumeuses qui cernent l'Allemagne. « Je pensais bien, dit-elle, que les 50 pistoles qui nous restaient ne nous dureraient guère. Mais mon amour était plus grand que toutes ces considérations. Ils passèrent 8 jours à Innsbruck, où le duc de Feria passa, et dit à la Corbinière qu'il fallait aller plus loin pour trouver de l'emploi, dans une ville nommée Fiche. Là, Angélique eut un grand flux de sang, et l'on appela une femme qui lui fit comprendre qu'elle s'était gâtée d'un enfant. C'est une locution bien chrétienne, qu'il faut pardonner au langage du temps et du pays. On a toujours considéré comme une souillure, dans la manière de voir des hommes d'église, le fait légitime pourtant, puisque Angélique s'était mariée, de produire au monde un nouveau pécheur. Ce n'est pourtant pas là l'esprit de l'Évangile, mais passons. La pauvre Angélique, un peu rétablie, fut forcée de se remettre à cheval sur l'unique aquenée que possédait le ménage. « Toute débile que j'étais, dit-elle, ou pour dire la vérité, demi-morte, je montais à cheval pour aller avec mon mari rejoindre l'armée, où je fus si étonnée de voir autant de femmes que d'hommes, entre beaucoup de celles de colonels et capitaines. » Son mari alla faire la révérence au grand colonel nommé Gildas, lequel, comme Wallon, avait entendu parler du comte Longueval de Bucquoy, qui avait défendu la Frise contre Henri IV. Il fit grande caresse au mari d'Angélique et lui dit qu'en attendant une compagnie, il lui donnerait une lieutenance et qu'il allait mettre mademoiselle de Longueval dans le carrosse de sa sœur, qui était mariée au premier capitaine de son régiment. Le malheur ne se lassait pas de frapper les nouveaux époux. La Corbinière prit la fièvre et il fallut le soigner. Il y a de bonnes gens partout. Angélique ne se plaint que d'avoir été promenée, tantôt à un lieu, tantôt à un autre, par le malheur de la guerre, à la façon des Égyptiennes, ce qui ne pouvait lui plaire, encore qu'elle eût plus de sujets de se contenter que pas une femme, puisqu'elle était la seule qui mangea à la table du colonel avec seulement sa sœur. Et le colonel encore montrait trop de bonté à la Corbinière, en ce qu'il lui donnait les meilleurs morceaux de la table, à cause qu'il le voyait malade. Une nuit, les troupes étant en marche, le meilleur logement qu'on put offrir aux dames fut une écurie, où il ne fallait coucher qu'habiller, à cause de la crainte de l'ennemi. En me réveillant au milieu de la nuit, dit Angélique, je ressentis un si grand frais que je ne pus m'empêcher de dire tout haut, « Mon Dieu, je meurs de frais !» Le colonel allemand lui jeta alors sa casaque, se découvrant lui-même, car il n'avait pas autre chose sur son uniforme. Ici arrive une observation bien profonde. Tous ces honneurs, dit-elle, pouvaient bien arrêter une Allemande, mais non pas les Françaises, à qui la guerre ne peut plaire. Rien n'est plus vrai que cette observation. Les femmes allemandes sont encore celles de l'époque des Romains. Trunelda combattait avec Hermann, à la bataille des Cimbres, où vainquit Marius. Il y avait autant de femmes que d'hommes. Les femmes sont courageuses dans les événements de famille, devant la souffrance, la mort. Dans nos troubles civils, elles plantent des drapeaux sur les barricades. Elles portent vaillamment leur tête à l'échafaud. Dans les provinces qui se rapprochent du Nord ou de l'Allemagne, on a pu trouver des Jeanne d'Arc et des Jeanne Hachette. Mais la masse des femmes françaises redoute la guerre, à cause de l'amour qu'elles ont pour leurs enfants. Les femmes guerrières sont de la race franque. Chez cette population, originairement venue d'Asie, il existe une tradition qui consiste à exposer des femmes dans les batailles pour animer le courage des combattants par la récompense offerte. Chez les Arabes, on retrouve la même coutume. La Vierge qui se dévoue s'appelle la Kadra, et s'avance au premier rang, entourée de ceux qui sont résolus à se faire tuer pour elle. mais chez les Francs, on en exposait plusieurs. Le courage et souvent même la cruauté de ces femmes étaient tels qu'ils ont été cause de l'adoption de la loi salique. Et cependant, les femmes, guerrières ou non, ne perdirent jamais leur empire en France, soit comme reine, soit comme favorite. La maladie de la Corbinière fut cause qu'il se résolut à retourner en Italie. Seulement, il oublia de prendre un passeport. « Nous fûmes bien confus, dit Angélique, lorsque nous fûmes à une forteresse nommée Reistre, où l'on ne voulut plus nous laisser passer, et où l'on retint mon mari malgré sa maladie. Comme elle avait conservé sa liberté, elle put aller à Innsbruck se jeter aux pieds de l'archiduchesse Léopold pour obtenir la grâce de la Corbinière, qu'on peut supposer avoir un peu désertée, quoique sa femme ne l'avoue pas. Munie de la grâce signée par l'archiduchesse, Angélique retourna au lieu où était détenu son mari. Elle demanda aux gens de ce bourg de Retz s'ils n'avaient rien entendu dire d'un gentilhomme français prisonnier. On lui enseigna le lieu où il était, où elle le trouva contre un poêle, demi-mort, et le ramena à Vérone. Là, elle retrouva M. de la Tour, de Périgord, et lui reprocha d'avoir fait vendre à son mari son enseigne, ce qui était cause de son malheur. « Je ne sais, ajoute-t-elle, s'il avait encore de l'amour pour moi, ou si ce fut de la pitié, tant il y a qu'il m'envoya 20 pistoles et tout un ameublement de maison, où mon mari se gouverna si mal qu'en peu de temps il mangea entièrement tout. Il avait repris un peu de santé, et vivait continuellement en débauche avec 2 de ses camarades, M. de la Perle et M. Escute. Cependant, l'affection de sa femme ne s'affaiblit pas. Elle se résolut, pour ne pas vivre tout à fait dans l'incommodité, à prendre des gens en pension, ce qui lui réussit. Seulement la Corbinière dépensait tout le gagnage hors du logis. Ce qui, dit-elle, m'affligeait jusqu'à la mort. Il finit par vendre les meubles, de sorte que la maison ne pouvait plus aller. Cependant, dit la pauvre femme, je sentais toujours mon affection aussi grande que lorsque nous partîmes de France. Il est vrai qu'après avoir reçu la première lettre de ma mère, cette affection se partagea en 2. Mais j'avoue que l'amour que j'avais pour cet homme surpassait l'affection que je portais à mes parents.